sans trop de peine. C'est plus facile d'entendre je t'aime et de suivre enfin son chemin. Pour un instant croiser le tien, être un moment main dans la main, pour se quitter au petit matin. C'est possible, c'est facile. Que c'est...